get wings to fly. Oh, I'm alive. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans L'Heure est Grave, et nous sommes très très heureux de vous retrouver ce soir pour parler d'une très grande artiste, notre francophone préférée venue d'outre-Québec, de celle qui fait rimer amour avec pain court et découvert bancaire avec Vancouver. Oui, c'était des blagues qui incluent les villes du Québec et des références à ma situation financière en même temps. Et je ne suis pas seul car avec moi ce soir, le plus fidèle des compagnons, j'irai où il ira sans scier, le plus beau gars d'Alberta, mon hostie de Calis Calibou de petits bouts là, par bien sûr de Gaspard. Bonsoir Gaspard. Je te souhaite la bien bonsoir Raphaël. C'est très gentil en toi d'être là. Et ce soir avec nous, deux grandes expertes de Madame Céline, puisqu'on va parler de Céline Dion, qu'on n'a pas réussi à empêcher de venir ce soir de toute façon. Faites un tonnerre d'applaudissements pour celle qui ne change pas, Audrey. Bonsoir. Et celle qui possède tout l'or des hommes, Manon. Bonsoir. Et donc ce soir, on est vraiment très content de vous retrouver, puisqu'on va parler d'une très grande artiste française et également québécoise qui a su marquer de sa patte la fibre de la chanson internationale. Céline. On parle de Céline ce soir. On parle de Steve Céline, c'est long. Donc Céline Dion qui est une chanteuse. Mais franco-québécoise. Franco-québécoise, exactement. Bah oui, mais je vois si tu suis. Alors, non, j'aimerais te poser une question tout de suite. Elle est française. Elle est franco-québécoise. Ah, donc elle est devenue française a posteriori. Non, je crois qu'elle a. Un de ses parents français et québécois. Il doit y en avoir un des deux qui est français et l'autre québécois. Je vous prie d'accepter mes humbles excuses. Elle est née le 30 mars 1968 dans la ville de Charlemagne au Québec. Donc quand vous lui dites qu'est-ce que tu faisais en mai 68, elle peut dire. Mais ça explique tout de suite un truc dans la chanson. Mais oui, je m'en suis rendu compte en observant les paroles tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que c'est que marche à Charlemagne? Charlemagne, oui, voilà, on va s'en. Voilà, ça parle d'elle. Sa carrière débute en 81, elle est alors âgée de 12 ans et enregistre sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve. Alors, ça devient très glauque tout de suite puisque le producteur René Angélil croit à fond en elle. Il décide alors d'hypothéquer sa maison. Attention, il hypothèque sa maison pour financer les premiers albums de la chanteuse. Est-ce que t'as déjà vu un mec autant miser sur une meuf? Mais surtout les paroles. Bon, un coup de foudre. De toute façon, j'ai hypothéqué ma maison, donc elle fait les albums, puis après je l'épouse. Je vois trop René, tu sais, ses potes, ils se moquaient d'elle, genre faudrait que tu te trouves une meuf et tout, mais tiens, mollo, j'hypothèque ma maison. Et surtout, elle a 12 ans. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Et le 29 janvier 1983, elle chante en France au Midem et participe à l'émission de variété Champs-Élysées, diffusée en direct de. Oui. Alors j'aimerais tout de suite le placer parce que j'ai vu la page Wikipédia écrite par, à mon avis, un fan de Céline Dion qui n'a pas l'air d'aimer Michel Drucker parce que Michel Drucker a l'air de revendiquer le fait que la première télé qu'elle ait faite en France, ça soit sur Champs-Élysées. Ce qui est faux, elle est passée sur un premier truc sur TF1 quelques jours avant. Et donc la page Wikipédia fait Michel Drucker ment. Point barre. Et c'est là que ça va décoller avec ses jolies dents qu'elle avait à l'époque qui n'étaient pas très refaites. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette première séquence. Clairement. Oui, il y a eu un petit glow-up, comme on dit de nos jours. Exactement. Mais c'était nécessaire. Hein. Mais c'est un vrai truc. Hein. Si vous allez chercher un petit peu, il y a des vrais. Il y a genre tout un truc de René qui lui a fait écoute, maintenant que j'ai hypothéqué la maison. Là, je commence à me dire j'ai pas lié sur le mauvais t'as cheval. T'as 15 ans, tu deviens une femme. Lime-toi les dents, bordel. En parlant de cheval, t'as un peu la gueule. Toi, là, c'est bien de. Sa carrière est donc lancée. Et la carrière qu'on lui connaît en France est doublée d'une carrière internationale puisqu'elle est signée par CBS en 1987. Bam, qui modernise son look et son style de chanson. Et oui, elle change un peu. Je sais pas si vous avez vu sa coupe d'avant. Mm-hmm. On a l'impression que c'est des. Tu sais, quand tu remplis une pyramide de champagne. Ce que je fais tous les week-ends d'ailleurs. Il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Tu vois, c'est ça. Exactement. Alors, si vous ne remplissez pas de pyramide de champagne tous les week-ends, n'écoutez pas cette émission. Merci. En 1988, elle représente à l'Eurovision. La Suisse. Et alors Camoulox tout de suite. Pourquoi la Suisse? Ouais, moi fait j'ai pas compris. J'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas compris pourquoi. Vous deux, grande spécialiste, on n'a pas trouvé, on n'a pas obtenu la réponse, mais on pourra chercher et continuer. Très c'est l'info cachée. On reviendra en bonus pour préciser. C'est ça. Quel hold-up de la part du ministère de la Culture suisse, quoi. C'est ça. Ouais, comme demain pour la France, Rihanna. Wow. Elle arrive 9e. En plus, il y a moyen devant deux Suédois. Du trombone, tu sais. Alors, t'avais vu qu'il avait gagné, genre, il y a deux ans. C'est une babouchka russe dégueulasse qui sort avec un petit accordéon électrique et tout. Elle a tout raflé. Elle chante donc Ne partez pas sans moi. Elle remporte l'Eurovision à cette occasion. En 1993, elle chante à la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis qui était à l'époque, c'était Bill Clinton. Bravo, Gaspard. En 1995, son album 2, le meilleur album. Écrit et composé par Gigi Goldman, devient l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Et ça, il y a que Madame. Il y a que Madame Céline pour le faire quand même. Donc elle est déjà mondialement connue, comme on l'a vu, mais c'est surtout sa chanson pour le film Titanic. Bravo Gaspard, il y en a qu'un qui suit. Hein. Ouais, Gaspard, on n'est pas assez vive là, il va falloir se réveiller. Un petit aparté, parce qu'en fait, elle avait déjà fait la musique de La Belle et la Bête, pour laquelle elle avait déjà eu un Oscar, parce qu'on parle de Academy Award winner Céline Dion quand même. Oh, sorry. Qui a regagné un Oscar pour Titanic. Voilà, donc là où DiCaprio. Déconne pas là, Céline. DiCaprio, il a mis 20 ans à gagner un Oscar. Céline, en 6 ans, elle en a eu deux. Et elle a eu une maison hypothéquée pour elle à l'âge de 12 ans. Désolé, hein. Ciao. Vous en êtes où, vous, niveau maison hypothéquée? En 97, donc, avec cette chanson My Heart Will Go On, elle écoule plus de 18 millions de singles. My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. En fait, moi, j'ai fait allemand LV1, donc l'anglais, j'avais découvert que sur le temps. Et Tyrolan, comme ça. 18 millions de singles vendus, donc c'est quand même pas mal. C'est l'un des records de l'industrie du disque pour les chansons de film. On parle de Céline, on peut pas parler de Céline sans parler, et on a déjà introduit de ce personnage, Arneille, son monsieur Arneille. Feu René. Feu René, voilà. Qu'elle a réépousé, parce qu'elle l'a épousé deux fois. Oui, je sais pas pourquoi. En 2000. Elle s'est dit, c'était sympa la première fois, refaisons-le. C'est ça. À 12 ans déjà. Une fois où c'était pas légal, en fait, c'est pour ça. Là, je sais pas, dans le jean, il y avait des chameaux aussi, je sais pas. Enfin, trop bizarre, quoi. Elle donne naissance en 2001 à leur fils, Arne Charles. Et deuxième du nom. Ouais. Et alors, c'est fait partie des rares chanteuses à s'être éclipsée de la musique, en avoir fait une annonce aussi en disant « Je me retire pour élever ma famille ». 2 ans plus tard, en 2002, elle revient avec à Las Vegas. Elle va revenir, en fait, avec un truc qu'on connaît pas mal d'elle. C'est-à-dire que maintenant, elle est vachement liée au César Palace à Las Vegas, qu'elle fait des gros deals, et c'est là-dessus qu'elle a fait le plus de thunes dans sa carrière. Parce que ça rapporte, mon pote, tu peux pas imaginer. Gaspard, t'en as pas fait beaucoup des César Palace. Bon, j'en ai fait deux fois, ils m'ont dit que ça servait à rien de venir, j'étais pas du tout programme. C'était pas très sympa avec toi. Devant le César Palace, en fait. Mais celui de Montigny. Oui, c'est ça. En 2010, elle a des jumeaux à nouveau d'Arneille. Des faux jumeaux. Oui, enfin, c'est quand même deux gamins que t'as tramadé dans ton ventre. C'était des triplés à la base. Non, sans deck. Il y en a un qui est passé à la trappe. Non, qui a été absorbé. Bah, ça va, je vois ça par l'un des jeux. Qui est sur l'épaule d'un des jumeaux. Et tu sais, il lui susurre des trucs la nuit. Tu les tous. Elle se retire pas très vieux notre grand-père. C'est notre père. Ah oh mon dieu. Elle se retire à nouveau de la musique en 2014 pour prendre soin malheureusement de René qui décède en 2016 d'un cancer. Alors, on le fait maintenant, big up à René quand même. Ouais. Big up, gros bon big up. Up à René. Parce qu'en fait, sans lui, on l'aurait pas eu. Sans la maison de René aussi, big up à sa maison. Big up à la maison hypothéquée. Big up à l'agent immobilier qui a fait visiter cette maison. René voulait arrêter son activité professionnelle. Donc en fait, lui, il pourrait dire merci encore aujourd'hui à Céline. Parce si Céline n'avait pas été présent, René se serait fait la malle. Bah, merci à Céline pour René. Merci et Céline. Aux jumeaux et voilà. Il faut savoir que quand même, René était un impresario qui Céline avait envoyé sa cassette sur les conseils de sa famille. Mm-hmm. Et c'était une sextape, non, qu'elle a envoyé. C'est son frère qui avait trouvé le nom. Oui, c'est vrai, le frère. Non mais c'est pas ça, c'est surtout que il a laissé tomber tous ses autres artistes pour ne s'occuper que d'elle. Ciao, bye, il a tout misé sur elle. Putain, c'est quand même un truc de ouf en vrai. T'imagines l'artiste qui avait signé la veille en mode c'est bon, après des années de galère, j'ai enfin décroché mon contrat avec René. Bim, pour la petite de 12 ans là, avec les dents de cheval. Bon alors on rigole un peu, mais en vrai elle a quand même vendu plus de 230 millions de disques dans le monde. Lors des World Music Awards de 2007, elle reçoit le Legend Award de son vivant, hein, en reconnaissance de son succès mondial et pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie de la musique. Et après avoir parlé de Céline, maintenant on va parler des gens qu'on a fait venir pour parler de Céline. Et je vais d'abord me tourner vers Audrey. Oui. Audrey, qu'est-ce que tu penses de Céline et est-ce que tu es contente d'être là pour en parler? Je suis très contente d'être là pour parler de ma passion pour Céline Dion. C'est un peu bizarre, mais je l'écoute depuis que je suis toute petite. Du coup, comme c'est lié à mon enfance, c'est toujours un plaisir. Ça, René va débarquer. Il va venir me hanter. Il va mettre un contrat sur toi. Fais voir tes dents. Putain, il aurait pu se faire de la thune à l'époque parce que c'était vraiment dégueulasse. Mais non, c'est toujours un plaisir d'écouter cette grande artiste qui apporte vraiment beaucoup à la musique et à beaucoup de gens, je pense aussi. En tout cas, c'est un très c'est beau. De la chaleur. Ouais, de la chaleur humaine. Ouais. Et toi, Manon, qui tente de faire un accent canadien. Allez, mais je suis très mauvaise pour ça, donc désolée pour les prochaines imitations. Ça va pas être au top du top. Je suis très très contente d'être là pour parler de Céline. Moi, c'est une passion un peu inexpliquée parce que personne n'aime Céline dans ma famille. Je ne sais pas pourquoi. Je voue une passion à Céline. Mais j'ai l'impression que de toute façon, c'est une artiste un peu inexplicable en termes de passion qu'on lui voue. C'est-à-dire qu'elle a tout ouais, pour être le truc. On ne sait pas pourquoi, mais c'est là. C'est une naze du monde, ouais. En fait. Dès que tu mets une chanson, putain, c'est vachement bien quand même. Qui est la seule que l'on peut mettre à 20h ou à 2h du matin, ça passe. Qui réunit tout le monde, et tu c'est chantes, Céline. Tu chantes de la même manière que tu sois très bourré ou pas, ouais. Comme si tu étais très bourré. Du Céline. Mais c'est parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle est purement premier degré. Oui. C'est ça qui est dingue chez elle. Alors, c'est ta théorie, Gaspard, si j'ai bien compris. C'est vrai que poser ma théorie. Alors, j'ai suivi Céline. Jamais mes petites lunettes. Et c'est pour vous dire que non, mais elle est dingue pour ça, parce qu'elle, elle, c'est même pour ça qu'on se fout un peu de sa gueule parfois, que des mecs comme Le Quotidien et compagnie font ça, parce qu'elle a, elle a l'air un peu niaise et qu'elle a exposé toute sa vie. Et c'est mon mari René et compagnie, mais elle est extraordinaire. Parce qu'elle elle triche pas, en fait. C'est exactement ça, ouais. Elle donne tout et tu sens que ça lui fait plaisir de chanter, enfin, que ça lui fait plaisir de transmettre du bonheur aux gens, et je pense que c'est ce qui plaît à autant de monde. C'est ce qui est agréable chez elle. C'est comme quand on avait parlé de Johnny, genre, c'est des gens qui ont une voix, mais de taré. Ouais. Tu sais que Céline Dion, il y a un jour par semaine où elle parle pas pour garder sa voix. Sérieux? Mais oui, il y avait une histoire comme ça où elle avait perdu sa voix, elle avait chopé son truc de merde et il fallait absolument conserver sa voix. C'est un truc primordial. Céline, tu veux manger quoi aujourd'hui? Du poisson? Les épinards, ça. Elle ne parle qu'en écrivant sur un tableau. C'est ça. Tu veux m'épouser? Je vais être ton impresario. Céline, je vais mourir dans les heures qui viennent. Faut que tu me dises quelque chose. Je viens d'hypothéquer ma maison pour toi. Encore. Bon, et toi, mon petit Rafi Ravchou, t'aimes bien? Bah écoute, Céline, c'est une passion un peu sur le tard. C'est-à-dire que moi, mon premier souvenir de Céline, c'est avec Titanic, que j'ai vu assez jeune, qui m'a assez traumatisé d'ailleurs comme film. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Et la chanson, donc j'ai découvert à ce moment-là, ça m'a pas du tout marqué, personnellement. Mais après, en fait, c'est l'alcool aidant. En fait, t'es beaucoup plus réceptif au monde de Céline. À force des soirées bourrées et des 4h du mat avec Céline, tu t'y es fait, quoi. Mais c'est complètement ça. Et en fait, maintenant. Marabout d'Afrique. C'est la meilleure phrase. En fait, c'est ouf parce que maintenant, j'entends marabout, j'ai la chanson dans la tête. Direct. Maintenant, il y a des mots-clés qui sont associés, comme glisser. Tu vois, c'est un mot que tu peux utiliser normalement, mais glisser sous le vent. Voilà, c'est parti. Puis je meurs. Mais non, donc j'ai appris à l'apprécier et maintenant j'ai un plaisir fou à chanter, donc je suis très content d'en parler ce soir. Mais du coup, on vous a fait, comme vous connaissez à chaque fois qu'on parle d'un artiste, ce soir on parle du coup de son album On ne change pas, et on vous a fait une petite best-of. On vous a fait une petite playlist et on va commencer tout de suite avec Pour que tu m'aimes encore. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Même encore. Alors on attaque sur une petite chanson. Alors en fait j'allais dire on attaque sur une chanson d'amour de Céline. On attaque sur une chanson de Céline. Voilà. En fait, hein, plus très clairement. Ouais. Mais de rupture. Ah, ouais. Non, justement, elle veut retrouver son amour. Wow. Attention. Attention à ce que tu dis. T'es pas obligé d'être agressif comme ça au direct. C'est l'histoire d'une femme qui est prête à tout pour retrouver son compagnon, son mais conjoint, l'être aimé. Son compagnon qui l'a guélard. Ouais. Oui. Ouais. Ah. Mais je pense qu'on peut faire une corrélation avec Sous le vent après, où justement la personne s'excuse et lui explique pourquoi il l'a largué, en gros. Moi, je pense qu'on arrête cette émission tout de suite. Il y a trop de différences entre nos chroniqueurs, c'est pas possible. Mais alors moi je ferai un peu une petite différence, parce que là dans Pour que tu m'aimes encore, on sent que lui il est parti, il donne plus rien. Il y a quand même donc les paroles sont et je prendrai les quatre dernières qui sont Pour que tu m'aimes encore, Pour que tu m'aimes encore, Pour que tu m'aimes encore, Pour que tu m'aimes encore, et qui moi m'ont touché personnellement. En fait c'était Pour que tu m'aimes, mais il y a marqué encore pour qu'elle le répète. C'est ça. Elle l'a chanté en fait. Mais attends donc un instant là. Je crois que tu viens de trouver un truc. C'est pas mal, non? Parce que Pour que tu m'aimes, c'est pas mal, hein? Mais encore, c'est encore mieux. Là, que tu le répètes, quoi. Et c'est là-dessus que Jay-Z a écrit son album. C'est ça. thank you very much. I'd like to say thank you to Céline Dion. Non, mais dans cette, moi je trouve que cette chanson est particulièrement touchante. T'as des phrases assez stylées. Alors, on va parler un peu de l'écriture de Céline Dion. Je sais pas si c'est elle qui a écrit. Non. Est-ce qui a écrit cet album? C'est JJ Abrams. JJ Goldman. C'est JJ Abrams. Donc t'as des twists à la fin. Tu m'aimes encore, moi en alien. Fini sur les barres. C'est le début. Et en fait, Céline est sur l'île de Lost depuis le début. C'est ça, elle est morte. Enfin, bon. Non, mais tu sais, t'as des phrases du genre, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, que je trouve très belles, en fait. C'est assez poétique. La manière de décrire le sexe, qui est assez sensuelle, alors que t'as d'autres phrases qui sont. Ils auraient pu danser des minutes seulement. Oui, voilà. Oui, bah écoute. Tu danses 6 minutes 30. Ouais. Ouais. Jean-Jacques voit les choses en grand. Ouais. Chacun son délire. Hein. C'est Jean-Jacques qui se vante. Même si dans tes danses, Jean-Jacques Goldman baisse comme un ouf. T'es sûr de la parole là? Mais c'est, est-ce que justement, bah, tu nous dis, est-ce que René il aurait pas pété un câble en voyant les paroles de. Bah écoute, c'est possible qu'il a d'ailleurs pété un câble, puisque à la base, c'est une expression qui ne se dit pas du tout à la base, mais c'est pas grave. Le rendez-vous prévu, en quelle date, je n'en sais rien, mais avec Jean-Jacques Goldman pour l'écriture de cet album, il en est ressorti que apparemment René ne voulait pas qu'il écrive, mais simplement qu'il compose la musique. Et Gigi n'a pas lâché l'affaire. Non, mais Gigi n'a pas lâché l'affaire. Et Gigi s'est imposé et a écrit l'album. Bah, big up à Gigi. Big up à Gigi aussi. Les big up à Gigi aussi, on t'embrasse, où que tu sois. Sûrement dans un caniveau à cette heure-là, tu sais. Mais pas de respect. Là, on va laisser la dernière fois. Bon, merci pour le podcast. On me dépose ici. Hein. Merci les copains. Je vais me recoucher. Alors, t'as un peu de fond. T'as d'autres trucs, moi, qui me laissent plus. Perplexe. Plus perplexe, exactement, c'est le terme. Tu vois, quand elle te dit, par exemple, dans son deuxième couplet, fallait pas commencer, m'attirer, me toucher, fallait pas t'en donner, moi je ne sais pas jouer. Si on parle encore de sexe, alors. La chanson n'est pas à propos du sexe, en fait. C'est un mec qui chanterait m'attirer, ça, c'est chelou quand même. Ouais, m'attirer, me toucher, moi je ne sais pas jouer, à part qu'elle était en train de te dire qu'elle fait la technique de l'étoile de mer. J'ai un peu de mal à visualiser. Surtout, fallait pas commencer, genre, bah, tu m'as cherché, tu l'as eu, quoi. Là, puis il y a un petit côté. Est-ce qu'on parle de consentement, comment ça se passe? Ouais, non, mais Cardinal Barbarin, etc., etc., quoi. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher, moi je ne sais pas jouer. Mais moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'elle commence avec des figures très belles en disant, genre, j'irai chercher ton cœur, j'irai chercher ton âme et tout. Puis, petit à petit, mais ça va être une spécialité de Céline, ça va partir en cacahuète. Je m'inventerai reine, je me ferai nouvelle, je deviendrai ses hôtes, je me changerai en or. Calme-toi, oui. Céline. Ouais, doucement. Non, mais Céline, elle fait pas les choses à moitié. Mais Céline, c'est ça elle donne beau. Tout ce qu'elle a, tu vois. elle s'arrête jamais. Mais en fait, est-ce que Céline, c'est pas une personne qui a voulu donner dans l'amour le maximum, quoi? C'est vraiment genre, tu vois, je vais me changer en or pour que tu m'aimes encore. Alors, cette phrase, personnellement, je la trouve un peu chelou. Il y a un petit côté, non, mais tu reviendras genre... que s'il y a de l'argent. Non, c'est genre, je suis prête à tout pour te récupérer. Pour que tu reviennes. Ouais, si tu reviens, je déshypothèque ta maison. Allez, René, s'il te plaît. Allez, viens. Ouais, c'était la chanson qui marquait une drôle de rupture avec René, quoi. Non, mais tu vois, elle dit des trucs du genre, je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Tu vois, autant, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. C'est un peu, genre, c'est sympa. Là, d'infinies vendanges, il y a un côté, c'est hyper relou. L'alcool, oui, non, mais clairement, c'est pas plus que l'argent. C'est pas l'alcool. Non, c'est plus les vendanges infinies. C'est on parle déjà fait des vendanges. On parle d'alcool et on parle de paroles un peu bizarres. Je tiens à vous dire, les formules magiques des marabouts. D'Afrique. Ah, voilà, quand même, non? Bon, on en a pas parlé de cette phrase-là. Ça, on y vient, les marabouts. Qui ne s'est pas retrouvé dans une soirée? À hurler cette putain de phrase. C'est la seule phrase. Les marabouts d'Afrique. Forcément. Tu l'as fait exactement comme tu le chantes. J'aurais fait comme si Johnny l'avait fait. Bah, on était dans les conditions réel, tu vois, c'était... Je suis pas bourré, j'ai pris que deux bières. Ça va, je sais encore ce que je fais, merde. C'est une petite chanson qui est sympatoche, mais qui est pas non plus... Si. Bon, elle est mignonne, si, quand même. C'est quand même une chanson sympa, elle est entraînante. C'est une genre. De ses plus belles. Elle est très belle quand le refrain commence, je trouve que c'est vraiment ça t'emporte, mais il y en a d'autres qui m'ont un peu plus... touché. Et la suivante ne fait pas partie, puisqu'on parle maintenant de « S'il suffisait d'aimer ». S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Ah, s'il suffisait d'aimer, on vivrait vraiment dans un monde meilleur grâce à Céline, qui ici nous livre un petit peu... Son plaidoyer pour un monde meilleur, si j'en... Son programme politique aussi. C'est le programme politique de Macron, on l'a retrouvé. Je ferai de ce monde. Tout s'explique. Oui, c'est ça. S'il suffisait d'aimer les îles vierges. Mais t'imagines, moi je devais être homme politique juste pour dire ça et voir si ça marche. Mais ça, c'est comme Raffarin qui avait placé Positive Attitude dans son discours de politique générale. Raffarin, plus grand fan de Johnny Depp qui soit en plus. Ouais, très grand fan de Raffarin. On dérive, les gars, on dérive là. Oui, qu'est-ce qu'il en pense de Céline, Raffarin? Je sais pas. Feu Raffarin. Il faudrait lui demander. Raffarin n'est plus de ce monde. Oui, elle a dit à l'heure où ce podcast était mis. Oui, allez, on mise sur le fait que Raffarin sera mort d'ici là. You have 10 days to kill Raffarin. C'est le Hunger Games pour lui, là, ça se déclenche. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson, Manon? Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson? Avant de m'inspirer quoi que ce soit, encore merci Gigi, quoi. On est toujours sur Jean-Jacques Goldman. C'est pas une de mes préférées. Malgré le fait que dès qu'elle passe, je la chante pratiquement de long en large, mais... Tu as juste les larmes, mais voilà. Exactement, je ne sais plus où me mettre, mais non, c'est pas ma... Non, je n'ai pas juste les paroles tatouées ici, là. C'est pas ma préférée parce que j'aime bien quand Céline se déchaîne, et là, c'est pas le cas. Mais alors, c'est une bonne observation parce que c'est vrai, Audrey, tu nous as remarqué hors micro, tu vois, un petit peu oui, une discussion. En off. En off, merci de les termes techniques. C'est quand tu nous parlais de ton addiction à la coke, c'est ça. C'était censé rester secret, merci. Que Céline qui je me soigne, je me soigne. Et tu disais que, ouais, elle est très douce en fait. Elle est super douce, ouais, ça, elle redescend un peu. Et puis même les moments où elle pourrait se déchaîner justement, elle reste calme et elle nous envoie toute la puissance qu'elle peut, mais calmement. Ouais, toute la douceur, en fait. Finalement, comme Raffarin pour son discours de politique générale en 2003. Tout à fait. Qui était tout en puissance, mais très calme, volupté. Très doux. Quoi qu'à la fin, il s'emporte. Et elle s'emporte un peu à la fin, tu vois, s'il suffisait qu'on s'aime. Bah oui, parce qu'elle est un peu vénère. Ouais, genre, il y a un moment, l'amour, ouais. Ça va pas que c'est le... Vous allez finir par vous aimer, bordel de... J'ai du sang dans mes songes, quand même. Hein. Ouais. J'ai du sang dans mes selles. T'imagines, elle chante... Ça va. Elle chante ça. Podcast santé scatophilie, là, c'est. On est live, là, je peux enfin dire ce que je vois trouble dans la scène, ça va plus très bien. René me laisse plus sortir du studio à l'aide. Call 911. Si tu prends toutes les premières lettres de chaque phrase. SOS. René, speaking me. Non, mais j'ai du sang dans mes songes. Je sais pas si c'est vraiment pour retenir. Cette phrase, c'est quand même assez violent, laisse... mais c'est une chanson qui est très très belle parce qu'on sent tout son désespoir et cette envie d'amour. Et n'est-ce pas ça, Céline, un appel à l'amour constant? Bah, en fait, ouais, on sent qu'elle a besoin d'être aimée et que s'il suffisait qu'on l'aime, ça irait mieux. Quoi, je me peux me permettre. Tu veux dire qu'elle se demande comment font ces autres à qui tout réussit? Ah, bah oui. Alors, pardon, excuse-moi. Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Excusez-moi, mademoiselle la multimilliardaire. Mais oui. Bon, ça, c'est un peu du foutage de gueule. Mais d'où, quoi? Ah putain, c'est trop dur. J'ai un mari depuis que j'ai 12 ans. Il lui a lancé la carte d'hypothèque à sa maison. Je gagne des thunes au César Palace. Elle s'y suit avec les Oscars. Exactement. C'est vraiment trop dur. Si j'en avais deux autres plus, que je pourrais faire une table. Mais là... Non, mais alors, pour le coup, en termes de personnages, c'est ça qui est marrant. C'est que autant Johnny Hallyday, il est passé par à peu près Sylvie Vartan, plein de femmes. Il a eu des drames, des fausses couches et tout ça. Et enfin, pas lui. Lui, il n'a pas fait de fausses couches. Il a essayé toute sa vie d'être enceinte, il n'a jamais réussi. Tu le voyais pisser sur des tests de grossesse. Et René aussi. Non, mais je veux dire, elle a quand même un type qui veille sur lui et qui est dans sur elle. Sur elle, pardon. Oh là là, putain, ça va pas. S'il te plaît, qu'elle avait une tête un peu chelou à l'époque, mais ça reste une femme merde. Est-ce qu'on est René, t'es homosexuel, en fait, il s'est gouré, tu sais. Est-ce qu'on n'est pas en train de choper le plus grand mystère de tous les temps? Céline et Johnny seraient la même personne? Ah. Johnny n'est pas mort. Oh, on l'a. Oh my god. Ça devient trop compliqué pour moi là. Mais c'est J. Abrams, non, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Ah putain, le twist, enfin, merci. Non, mais on sent que... Enfin, la meuf, elle a quand même eu tout qui lui souriait depuis le début. Je veux dire, elle a une carrière extraordinaire, elle a des beaux enfants et tout ça. Le seul truc qui va pas, c'est que René est mort. Ouais, mais c'est arrivé sur le tard aussi. Céline, ton mari est mort. Elle a eu le temps de profiter avant. C'est ça, et puis elle savait, enfin, le mec était déjà vieux. C'est quand même le deal quand tu te mets avec un mec qui a 26 ans de plus que toi, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, 26 ans, tu te dis qu'il y a un moment, ça va finir par te tomber sur la gueule, quoi. 26 ans, il s'est dit, ça, je vais me la faire. Non, mais ils ont mis vachement de temps, hein. Ouais. Il l'a repoussé au début. Un an. Ah, il avait quand même hypothéqué sa maison. Hein. Ouais, ouais, c'est quand même une façon de repousser à personne. Alors, je te repousse, mais oh, n'oublie pas que tu m'appartiens légalement. Non, mais attends, 26 ans plus 12. Donc il avait 38 ans. Ouais. 38 ans, il s'est dit, damn, that's some tight pussy. Tu vois, enfin, c'est. Pardon, ça m'a échappé. Il a dû la ramener autre débat, à avec ça, des copains. Hein. Et elle avait 14 ans. Alors, je présente ma femme. Salut! Écoute, moi, j'en suis à ma troisième boîte et tout. C'est un peu la galère. Et toi? Moi, je rentre en quatrième. J'ai eu deux gommettes. Putain, elle est pas mal, ta meuf. S'il suffisait, s'il suffisait d'aimer, que les lois sur la pédo étaient toutes abolies. Et en fait, j'ai du sang dans mes songes. C'est son premier son. C'est ses premières règles. Voilà, c'est superbe. Mais d'ailleurs, hein, on a encore un indice. Toi, elle dit, la vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent, les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, voilà, il le dit. Voilà, dans un jardin d'enfants. Red alert, red alert. Attention, René. C'est pédobert, en fait. Pédobert. Mais René, tout au long de sa carrière, il n'a pas changé et ça nous permet de passer à la chanson suivante. On ne change pas. On ne change pas. On ne cache qu'un instant de soi. On ne change pas. Moi, on met juste les costumes d'autres sur soi. Exactement, moi je n'ai pas changé non plus depuis que je suis tout petit. Et c'est un peu une chanson, alors Moi, on n'a pas trop parlé de la musicalité des chansons de Céline jusqu'ici. Je pense que c'est un peu le moment de l'aborder, parce que je trouve personnellement que sur la petite sélection qu'on vous a faite, c'est une des plus stylées en termes de musique. C'est une des plus dansantes, ouais. Surtout. Alors, dansante, non, elle est dodelinante, quoi, t'es genre. Oh ben, non, il y a moyen de faire des petits moves sur petite mélodie. Mais tu vois, c'est quand même très léger, un peu. Moi, je trouve qu'elle retrouve un peu Pourquoi tu m'aimes encore ? Oui. Ou si je faisais que t'aimais, mais quand tu disais, tu sais qu'elle met pas tout. Et en fait, c'est petit à petit. Et même le break à la fin, il est assez léger. Et finalement, tu sens qu'elle pourrait faire péter la baraque si elle voulait. Mais c'est elle qui décide. Et elle a dit que ce soir. Non. Ce soir, on ne change pas. C'est ça. La tunnel. Non, mais. J'ai que 14 ans. Rappelle-toi. Not my dad is watching. Ah, shit. Non, mais j'aime. Tu go to school tomorrow. Tout d'un coup, Céline est devenue russe. J'aime beaucoup quand ça coupe et puis ça reprend. Ben. Avec les violons d'un coup hyper violent, hyper stylé ce moment dans la chanson. Très intense. Hyper intense. Merci, c'est exactement ça. Musicalement intense, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai que c'est en fait c'est beau quoi comme musique. C'est on parle tout le temps des paroles, mais il y a quand même il y avait un vrai travail sur la. Bah il y a une recherche de mélodie. Est-ce que c'est Gigi qui a travaillé là-dessus aussi ou il a fait que les paroles? Oui. C'est Jean Gigi. T'es Jean Gigi. Gigi est toujours là. Je crois qu'il l'a écrite, mais il l'a produite. Globalement, il a quand même écrit la majorité de ses chansons. Oui, si, elle est écrite par Jean-Jacques. C'est son acolyte, quoi. C'est une chanson qui a été repopularisée il n'y a pas longtemps, grâce à un film. Grâce à un film. Mommy. Mommy. Ah, mais oui, c'est non, pas la momie. Ça n'a rien à voir. On ne change pas. Regardez, 3 millions, je suis nickel. J'adore Céline. C'est pour ça, si tu grattes là. Sur les petites bandelettes. Ouais, non, mais... C'est pour ça que j'ai une vieille mycose depuis 3 millions. Une très belle scène d'un momie qui a remis... Oui. Qui est la scène de danse où ils font des moves hyper mouvants. Sensuel. Oui, très sensuel. Et mais avec sa mère. Exactement. Avec sa mère. Et la voisine. Mais toi, inceste, jeunesse, au final, ça, on est dans le cadre qui a semblé de la chanson. Un peu la semaine, avec... Comment ça? Quel film? Tu peux nous en parler? Non, vas-y, parle de ton film, Gaspard. Écoute, c'était un petit film sur un site très sympa, voilà. Dont on taira le nom ce soir. Non, on peut le dire, ça s'appelle Pornhub. Non, mais voilà, c'est vrai que ça reste quand même un peu, en termes de parole, un peu gênant pour moi. Quand on dit quand même l'enfant qui reste presque nu, les instants non, d'innocence... Non, on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu. On n'oublie pas. Une fois qu'on l'a vu. Ouais. René n'a pas oublié. Tu sais, c'est vraiment genre, il passait et elle était en train de se changer à Uniqlo, tu vois, un truc. Oups comme... Oh, damn. Hey, tu veux une maison? Tu vois, mais si tu grattes là tout près de l'apparence tremble, un petit qui nous ressemble... On sait bien qu'il est là. Enfin, c'est un peu malaisant, quoi. C'est un peu malaisant, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est une chanson, et on le comprend à la fin, et on l'a compris peut-être même en début d'émission, que Céline âgée chante à Céline petite. Exactement. Puisque j'ai passé la journée à me demander ce que voulait dire une petite fille maigre marche à Charlemagne. Mais en fait, excusez-moi, c'est mes relents qui arrivent. Mais en fait, vite. Ils sont partis avec Audrey. C'est ça, j'ai tout embarqué. Non, en fait, c'est. Salut, et en fait, c'est là d'où elle vient, Charlemagne. C'est Charlemagne. Sa ville natale. Ce que tu as oublié de dire, c'est que les Québécois ont vraiment un good shot tant quand il s'agit de, sélectionner leur nom de ville, quoi. Mais non, mais on parle pas du même Charlemagne. On parle pas de Charlemagne, de Monsieur Charlemagne. On parle de la ville, en effet. T'as l'air saoulé. Je viens de la tellement ville de joindre Robinet. Mais c'est trop nul. Eux, leur Charlemagne, c'est juste un homme politique, je crois. Ah bon? Ah bon, sérieux? Attends, ou un homme d'affaires. Non, c'est un homme d'affaires, je crois. Ah, est-ce que tu veux dire que c'est... Ils ont donné le nom de ce mec à un... Charlemagne. Au début, je me suis dit, putain, elle est à moitié française, Charlemagne, tout est relié, mon Dieu, elle est presque... Non, mais ça fait bizarre. Elle aurait pu lâcher Maurras, tu sais, genre... Je le prends maintenant dans sa soeur avec des photos et des câbles qu'elle a reliés. Ah ouais, elle est pile. C'est Charlemagne. L'enquête de l'année. Si tu renverses l'image, il y a un triangle inversé. Et là, Audrey Alour, tu sais qu'elle vient de Charlemagne. Ah oui, juste pour ça. C'est le monde de Manon s'effondre. Mon Dieu. Mais oui, mais alors elle parle d'elle-même, mais alors au début, quand j'ai tilté un peu après qu'elle parlait d'elle-même, mais au début, elle dit quand même une petite fille ingrate et solitaire. Bah écoute, elle avait franchement, c'est elle avait. Non mais ça, c'est vraiment genre Céline Dion, multimilliardaire. Petite fille ingrate et solitaire, bien dégueu là, petite conne, bam, tête balayette, mon gars. Je trouvais ça un peu vénère pour parler d'une enfant. En fait, c'est d'elle. Donc elle a le droit. Qui à 12 ans était déjà la reine du monde, quoi. Pas encore. Peut-être pas du monde, mais presque. Pas elle allait le devenir. Mais est-ce qu'au final, le meilleur moment, c'est pas quand tu sens que ça commence à venir? mais qui n'est pas encore. Excuse-moi. Du succès. D'accord. Edging to the success. Edging to the success. And you just circle around it very slowly. Si tu grattes là. On en revient. Bien vu. Non, mais tu vois, ce moment où, en effet, quand elle a 12 ans, que t'as un quinquagénaire qui vient d'hypothéquer sa maison pour elle et qu'elle se dit, putain, alors, un, j'appelle la police déjà. et deux, mais est-ce que je serais pas en voie vers le succès, quoi? Est-ce que tu te poses vraiment ces questions à 12 ans? Je sais pas, moi j'ai pas été repérée, donc je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Encore mais une fois, comme en début d'émission, toi tu n'as pas de maison qui a été hypothéquée en ton nom, loser. Mais bon, on retourne toujours sur René et bah, c'est l'homme et de sa vie. C'est ouais. L'homme de sa vie. Elle n'est la femme que d'un homme. Ouais. Elle l'a même dit. Du coup, elle est la femme de mon qui, grand-père. Après, aujourd'hui, il paraît qu'elle se tape un de ses danseurs. Donc bon. Bon. Madonna. Comment le bébé? Un ex fuck. Elle s'est émancipée depuis la mort de René. Gratte-la. Ouais, elle a grave changé le style vestimentaire, tout. Ouais. Ouais. Elle a viré son styliste. Elle a changé de vie, tu vois. Mais moi, j'ai vu récemment une vidéo où elle était au concert de Kesha. Non, mais de mais Lady non. Gaga, mais s'il te plaît. Pas de Kesha, En plus, genre, vraiment, non, mais le blague. Level, genre. Elle était au concert de Ilona Mitresel, vous vous souvenez de ça? Magic System. avec, comment elle s'appelait, là? Magic yeah. Mais bon, je vous propose qu'on passe à la... je pensais que c'était le moment de dire ce qu'on pensait de Céline aujourd'hui. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai que je coupe un peu vite. Mais oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de son nouveau style? Pute. Eh ben, moi, je... Un mot, pute. Ouais. C'est balancé. T'aurais dû mourir avec ton homme. Non, elle kiffe sa vie. Non, elle ça est... se voit, comme tu parlais du concert de Lady Gaga. Bah, les vidéos pas, sont extraordinaires. Ouais. Elle kiffe à fond, elle chante, elle danse. Enfin, c'est Céline, vraiment, genre, comme on peut l'imaginer. Enfin, les mouvements, tout. Elle est à fond. Enfin, c'est elle, quoi. Vraiment. On sent qu'elle est un peu libérée presque. Bah ouais. Ouais. Mais bah non, mais je pense qu'elle se remet de son deuil en fait. C'est une renaissance en fait. Elle est libérée probablement de René qui avait les deux grappins dessus, genre tu bouges pas, tu vois. Ouais, et puis là, ça y est, elle peut mettre l'amour. Des costumes en dentelle. Et puis en hypothèque et... sur 50 ans, enfin c'est long quand même. Ouais. Fais un effort. T'as des traites mensuelles. Là, tu sais, c'est peut-être la fin, tu vois. C'est... Enfin, elle est un peu partie en cacahuète. Elle a quand même fait la chanson de Deadpool 2. Oui. Alors je ne savais pas. Ouais, si. Je non. On est passé Achise, ça s'appelle. Ouais, c'est ça, on est passé quand même de la Belle et la Bête et Titanic, à Deadpool 2. Comme ouais. Si elle avait besoin d'argent quoi. Mais ouais. En fait, je me suis dit pourquoi? En fait, je me suis dit parce que Ryan Reynolds est canadien. Et pourquoi elle le ferait? Bah, entre canadiens, ils se rendent des services, ce qui nous permet d'arriver à la chanson suivante parce que vous allez voir que pour moi c'est la chanson la plus canadienne, on parle de J'irai où tu iras. Chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. J'irai où tu iras, clairement la chanson la plus dansante de notre sélection, comme tu me le confies en off, Audrey. Tout à fait. Bah oui, je parle beaucoup en off. Tu parles énormément en off et tu dis plus rien après. Et tu parles très très vite. Voilà, toi, je veux toi, être trop bien. Ouais, j'ai changé Squeezie. Salut les franches Pokémon. Mais Audrey, du coup, poursuite en analyse, elle est hyper dansante cette chanson. Ouais, et puis le début est très rock surtout, donc ça change un peu des autres mélodies qu'on a pu entendre jusque-là. C'est ça, il y a de la guitare. C'est ça qui est sur un truc entraînant ouais, quoi. Écoute, ouais, ok, la guitare est rock, oui, tout à fait. L'héroïne aussi, tu peux en parler. Mais, tu sais, on n'y a pas de jugement ici, tu peux y aller. Hein. Je me soigne. Ouais, encore une fois, c'est une thérapie là. Rock voisine et québécois. Ah ouais. Je savais pas. J'avais pas une passion pour Rock voisine. Moi, Céline Garou, ça m'a toujours suffi. Tu ferais un auditeur. Ah, Rock voisine, excellent. C'est son Québec. Ça sent ça Rock voisine qui tape son propre nom. Ouais. Est-ce qu'on a parlé de moi ces dernières décennies? Non, ok. Allez, je retourne en hibernation. Mais non, elle est hyper dansante. Pour le coup, alors la mélodie, je la trouve beaucoup moins cool. Elle est moins subtile. Elle est moins subtile que On ne change pas, qui est vraiment belle avec les violons, tout ça. Mais tu vois, t'as envie de danser un rock à l'ancienne, quoi. Bah ouais, avec, quand les gens savaient danser le rock, c'est-à-dire pas notre génération. Clairement pas. Enfin, sauf la tienne, Gaspard, parce que toi, tu as 40. Oh, tu sais. de mon temps, non, c'est un très bon Charleston. Moi, juste, il y a un truc qui me fait rire, c'est une des paroles qui dit « Prends tes clics et tes claques », voilà. Oui, alors, prends tes clics et tes claques, tabernacle. Et ta vie, casse-toi avec tout ce que t'as, en gros. Passons, soyons ordonnés sur les paroles. Et ton hypothèque est marquée. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par les hypothèques? Tes mots, tes tabernacles. Prends tes putains de mômes, prends tes faux jumeaux à la con, là. Vas-y, casse-toi, bordel. Prends René Charles, là, et de toute façon, il est moche comme un pou. C'est pas le tien. Alors là, tu m'as brisé le cœur. Est-ce qu'on peut parler un peu des paroles, Manon? Pour moi, c'est une chanson de Québécois qui parle de son pays. Là, c'est un casse-marre bien, on commet un sucre au fond de la... Du coup, tu comprends pas grand-chose. Non, quoi. Pas grand-chose, ah, en fait. Voilà. Tu vois, chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Ça a du sens. Alors, ça a du sens, oui. Bah, les toits grattent le ciel et moi, je te confie en off, puisque moi aussi, je suis un peu une meuf du off. Attends, j'écoute ton micro. Moi, j'ai toujours cru qu'elle disait les foie gras hein, quand j'étais petite. Je vois, mais, alors qu'on n'est clairement pas sur ça. Foie gras, mais le ciel, du coup. Oui, hein, c'était... Bah, non, mais tu sais, quand t'es enfant, tu ne cherches pas à comprendre les paroles. Mais moi, ce que j'aimais vachement, c'est que... Parce que je suis aussi fan de Jean-Jacques Goldman. C'est que là, on entend les deux, quand même. On est sur un duo. Oui, alors oui, c'est un duo. Est-ce que c'est pas leur seul duo ensemble? Ça, je sais pas. Par hasard. C'est une question que tu ne poses pas. Je sais qu'elle l'a chanté avec Garou. Je n'ai pas la réponse. Mais elle l'a chanté avec Garou aussi. Elle aime bien faire des duos, clairement, mais je sais pas si c'est la seule chanson qu'elle a chanté avec Gigi. Non, mais avec Gigi, genre son acolyte. Bah écoute, c'est une bonne question. En tout cas, elle fait des ponts avec une de ses futures chansons, parce que comme dans S'il suffisait d'aimer, et elle le dit là à nouveau, elle réutilise l'expression sous le vent. Ah, oui. Est-ce qu'on serait pas en approche d'une chanson qui va nous marquer après? Ou alors d'une pauvreté d'écriture. Je sais pas. Bah, il faut demander de nouveau à Gigi, parce que c'est Gigi qui écrit tout ça. Copier, coller. Gigi voilà. Devant son. Il en avait une à rajouter dans la liste, il se dit putain merde, allez vite, je copie-coller comme ça c'est réglé. Il me manque une rime en vent, sous le vent. Putain encore, merde, non. Allez, travaille-toi un peu la minette, Gigi. Sous le vent. Ah merde. Pourtant ça marche bien. Et la prochaine chanson s'appellera Sous le vent. Je crois qu'à l'époque, elle a chanté toutes les chansons que nous sommes en train de voir, peut-être pas Sous le vent, avec Jean-Jacques Goldman en fait. On peut trouver des vidéos et des extraits. Mais en fait, s'il suffisait d'aimer, de pour que tu m'aimes encore. Et elle est assise sur les genoux de Jean-Jacques. Je pense qu'on est sur ça. Si suffisait d'aimer. Oui, ma petite. Mais moi, les paroles, elles me font bien marrer. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est la chanson de Keb, tu vois, genre avec ils ont leur truc de Danny Croquette, tu sais, avec la queue de raton laveur et tout. Enfin, tu sais, c'est au fin fond, ils se marrent bien, quoi, tu vois. Et tous les enfants, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. Alors ça, c'est un peu flippant, hein. C'est... Maman, regarde le gros chien. Et je veux des chameaux, tu vois, on y revient. Oui, et je veux des chameaux, 12 pour ta fille. Ah oui, alors, attends, Afrique du Nord, terminons, on sait pas trop sur la pourquoi. Musicalité, il y a un petit passage désert. Ouais, désert, ouais, exactement ça. Enfin, genre, petite balade en chameau. Maroc ou Maghreb, en tout cas. Petit passage dans les souks. Et là, en fait, on trouve un peu la patte de Jean-Jacques Goldman, qui était un petit peu un faiseur de mélodies qui prenait de partout, hein, tu vois. C'est tout d'un coup vient du sud, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est fait à la main, c'est travailler avec le corps, là, quoi. Mais tu vois, t'as des paroles, voilà. Tous les enfants comprennent les loups, passons encore, si tu veux. C'est des warriors au Québec. Je sais pas comment était le chanson aléatoire. Belle ambiance, Charlemagne. Je sais pas comment était l'enfance de Céline. Enfin, je m'en doute d'une certaine manière avec René à côté, mais bon. En tout cas, elle comprenait les loups, voilà. On entend les cris de New York, alors... Parce que Montréal n'est pas loin de New York. Merci, exactement. Mais par contre, les bateaux sur la Seine... Bah, c'est la alors, patte ça, de Gigi. J'ai cherché à comprendre, mais je pense qu'il y a le côté français, au Canada, Gigi. Du coup... Ok, le pont, etc. Il y a un clin d'œil de Gigi à droite. Hein. Ouais, moi, je dis que c'est un clin d'œil. C'est lui qui écrit la chanson. Il y a désolé, les gars, moi, je suis français, je place la Seine. Moi, je vis depuis 6 ans à Paris, j'ai jamais entendu un bateau, mais m'étant près de la Seine. Pourtant, j'ai essayé. Mais bon, écoute... à me faire paniquer, tu sais. Et tu parlais de prendre ses clics. D'accord, merci. De prendre ses clics et ses claques. Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien parce que c'est quand même un Français qui a écrit cette chanson pour se foutre de la gueule des Québécois. En disant une Québécoise, maintenant, des merdes de toi, chante là, quoi. Tu vois, faisant un tube. C'est ça. Ah oui, il a du temps de ta gueule. Tabernacle. Et tes tabernacles. Et tes tabernacles et tes hosties, c'était plus long après. Tes hosties, tes calices, et ta grammaire ratée et tout le reste. Et ton pays de merde. Et ton pays de merde, putain. Jean-Jacques, qui n'est même pas indépendant. Allez! Non, mais du coup, il dit, prends tes clics, tes claques, bref, tes mots, tes tabernacles, ta langue d'ici. L'escampette et la poudre de la fille et de l'air. Est-ce que c'est pas une petite référence à Macron, ça? Est-ce qu'il aurait pas piqué au final? Je pose la main. La poudre d'escampette, la poudre de perlimpinpin, tout ça, c'est un peu. Je pense que c'est pas une référence à Audrey parce qu'à moi, il parle des bras qui serrent aussi. Avec la ceinture, tape-toi le bras. Qu'importe l'endroit, tu vois. Je veux des cocotiers sur la plage. Je veux tout quelqu'un qui possible. Aille très très loin. Je vois les cocotiers. C'est ça. Non. Peut-être. C'est peut-être pour ça que j'arrive à lire des sous-textes que vous ne comprenez pas. Tu vois la neige est éternelle. C'est pour ça que rêves. Je comprends la phrase « Chez moi, les forêts se balancent et toi, non ». Exactement. J'ai une imagination et un... Ouais, bah, c'est pas l'imagination à ce niveau-là. Ouais. C'est pour ça c'est que un travail. Le nez qui saigne, c'est pas ça. À ce niveau-là, c'est un niveau de dépendance qu'il faut avoir. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule. Oui, c'est ça. Oui, tes yeux brillent, ton sang coule. Le nez qui saigne, quoi. Mais écoutez mes petits auditeurs. Jusque-là, on a parlé de chansons plutôt sympathiques. Mais je vous propose de passer sûrement une des plus belles chansons qui a été écrite. Non, Chazal, je peux me permettre de le dire. Hein. Parce qu'on va peut-être passer un duo avec Monsieur Garou. Sous le vent, quoi. Allez, on y va, Madame Chazal. Allez. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, sous le vent. Si tu crois que c'est fini. T'as complètement raté ton Nicolas Sarkozy là. Même Chazal. Est-ce que je peux faire Nicolas Sarkozy avec l'accent québécois? Vas-y, essaye. Non, toi. Ah. C'était est-ce que tu peux? Parce que moi, clairement, j'ai avoué mes talents, que mes talents étaient vraiment très mauvais en début d'émission. Écoutez, Caribou Chazal. C'est pas possible ce que tu me dis là. Non, ça avait de la gueule quand même, non? On ne n'attendra pas cette de performance. De la gueule, je sais pas, mais ça, c'est rigolo. C'est l'intention marrant, qui compte toujours. Bon, j'ai honte, vraiment j'ai honte. N'écoutez pas, s'il vous plaît. Sous le vent, est-ce que c'est pas la plus belle chanson quand même? Non. Ok, Audrey, on coupe ton micro. Mais vas-y, non, mais c'est quoi, défends ta thèse? C'est pas la plus belle chanson, parce que la plus belle chanson n'est même pas dans ce classement. On sûr, en reparlera on à la fin de l'émission. D'accord, toi et moi. Mais la plus belle chanson de Céline Dion n'est pas dans la sélection que nous. Je tiens à dire qu'on a envoyé, la sélection. Vous voulez ajouter ou pas? On a eu le droit à... Non, c'est ok. Mais non, mais notre chanson ne fait pas partie du staff. Mais évidemment, ah voilà. Mais ça fait pas partie du best-of, ça fait partie de l'album 2. Comme quoi, Céline, en faisant son propre best-of, a dit mais bof, t'es pas prière paillette. Bof. Alors que sous le vent. Alors que sous le vent. Ça, je la veux deux fois, et donc c'est pour ça qu'elle est deux fois. Mais non, oui, c'est une chanson sympathique. C'est une chanson sympathique. Ah, t'es pas hyper fan de celle-là? Si, en fait, je suis assez fan, surtout que j'ai regardé le clip il y a pas très longtemps. Avec et le clip est assez extraordinaire. De linge, là. Ouais, tout à fait, dans des draps blancs. Il faut regarder ce clip, c'est une recommandation en avance. Regardez et ce y clip. Il y a un planeur qui passe, il y a des images d'un planeur. Justement, ouais, moi j'avais la version, enfin j'avais pas le clip quand je l'écoutais et je me demandais quel était le bruit du début de la chanson. Je dis là, mais c'est quoi? Ils sortent les voix, genre ils sont chelous. Et en fait, c'est quelqu'un qui marche sur de l'herbe dans une plaine et il y a un planeur après qui décolle. Mais il y a plein de révélations autour de cette chanson et je pense que, enfin, Raph, tu vas être de mon avis. J'ai eu The Révélation aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette émission est écrite par Gigi Abrams. Ce n'est pas « C'est comme si j'avais pris la mer ». Alors, Fais comme si, j'avais pris la mer ». Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais surtout, ça veut plus rien dire. Mais « Fais comme si j'avais pris la mer », c'est « FST, je me suis barré ». Hey, guette pas, en fait, j'étais au bout de la rue, je me suis tapé une autre go. On dirait « Hey, maman, regarde-moi, fais comme si j'avais pris la mer », tu sais. Allez, vas-y, maman, filme. Hey, maman, tu me regardes. Regarde, je sens que tu as grand voile et tout. Hey, ouais. Ambiance bateau, yacht, mon gars. C'est sous le vent. Hey, j'ai acheté une meuf avec des chameaux. Là. Non, mais putain, mais ça casse un truc, quoi. Ouais. Mais... Pour moi, c'était. Alors, pardon, mais en fait, c'est la prononciation de Garou qui est un peu problématique. Non, parce que c'est le couplet où il chante tous les deux. Ah non, mais attends, il dit quand même, c'est comme si j'avais pris la mer. Fais comme si j'avais pris la mer. Fais comme. Mais oui, mais c'est problématique, ça marche pas. Mais je crois qu'il le chante à intervalles. Enfin, je sais plus comment on dit, mais. Chacun son tour. Il semble. Il t'en reste un petit peu sous le nez, Audrey. En fait, Audrey est tellement high qu'elle entend deux pistes séparées. Les duos, c'est insupportable. Audrey, elle est déjà sur la prochaine émission. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est une belle chanson. Ça, mais alors, parce que nous, on entend C'est comme. Mais moi, ce que je trouve assez dingue, et c'est en règle générale, que ça soit avec eux ou avec même genre Natacha Saint-Pierre. Champierre. Oui, parce que moi je parle pas de Natacha Saint-Pierre, moi je parle de Natacha Champierre. Et le chien, ça te prononce presque comme si tu disais Jean. Ouais, Champierre. C'est une belle personne. C'est une très belle personne dans le fond, quand même. Et qui habite sur le Saint-Laurent. C'est non, mais c'est on n'entend pas leur accent quand ils chantent. Oui, mais ça, non, je trouve ça. Ah, mais merci, on en a merci pas parlé. De parler de ça. Mais merci, c'est trop bien. Moi, ça me. Je suis omnibulée par ça. Comment c'est possible qu'on n'entend pas l'accent? Elle-même ne sait pas. Comment c'est possible? Elle-même ne savait pas comment. Ah non, si, ça a été expliqué par des experts Garou, qui ont. On n'entend pas son accent. Oui, mais elle, enfin, juste, bah, comme c'est une très très grande star, elle a été observée par des experts de la voix de blablabla. Et. Experts immobiliers de la maison de. Ah, c'est bien tout le monde, non, ça valait l'hypothèque, hein, c'est pas mal quand même. Il y a eu une maison et appartement avec Stéphane Plaza et René. Et donc, les experts ont décrété que il y avait des histoires de physique, de je ne sais quoi, en rapport avec la voix et l'organe qui est la voix. Mais je crois que j'ai lu, en fait, c'est que ils ont dit, en fait, quand ils font quelque chose de joli, les Québécois, ils arrêtent de faire de la merde. À la française. Voilà, ça, ils le font pas. Voilà, c'est mieux, quoi. Voilà, donc, les meilleurs experts de la voix du monde. Bon, non, il fallait le dire ou non. C'est ça. Elle a... Elle, en fait, c'est vraiment. Elle change de personnalité. C'est-à-dire que. Elle est bipolaire, donc. C'est comme si j'avais pris la merde. Eh, hey, c'est les pas bonnes, c'est là, c'est pas qu'on la garde, là. Mais tu sais que la voix grave, c'est pas Garou, hein, c'est Céline. Dans les... Mais. Garou, c'est la voix la plus aiguë. T'es au courant? Oui, c'est pour cette chanson, j'ai joué à contre-emploi. Qui n'a jamais été seul. Alors, vous êtes un peu Garou ou pas, d'ailleurs? Ouais. Moi, je connais pas assez. Beaucoup moi, moins que Céline, mais j'aime bien. Ouais. Team Garou, ça rappelle de des Paris. Petits trucs oui, d'enfance team... aussi, ouais. Tu vois. C'est, mais c'est plus, ouais, c'est plus d'actualité, c'est plutôt enfance. Mais qu'est-ce qui devient Garou finalement? Bah, il a fait The Voice il y a pas si longtemps, il me semble. Ouais, donc et il coup, a été refusé par les juges. Ouais, chez eux, il y a pas d'avenir pour un Québécois qui chante chelou. Hein. Du coup, il a arrêté sa carrière. Non, il a quoi. Été, oui, jury. Oui, il a un peu arrêté sa carrière. Mmh. Tu pas tapé pour faire simple. Ah, il fait des pubs pour les montres dans le métro. Vraiment, oui, foiré total, quoi. Des montres à 500 euros. Pour Mauboussin, voilà, hyper chelou. Exactement. Les gens te regardent hyper. C'est lui la meuf Mauboussin. Comme si j'avais fait un changement de sexe. Non, mais il a pas été avec Laurie. Si, il était avec Laurie. Ah, voilà. À une époque, il y a quoi. Longtemps. Bien sûr, il était avec Laurie. C'était sa meilleure amie. Ils ont tous un problème, en fait, ces Québécois. Ça me fait plaisir. Mais elle est Québécoise, Laurie. Non, mais entre René qui se marie avec une enfant de 14 ans et Garou qui c'est se marie week-ends. Avec... C'est les week-ends. C'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. J'ai plus le... T'es mon meilleur chum. T'es mon meilleur chum. Et elle dédie cette chanson à son caribou de compagnie. Et la Rafa Rameur. On en revient maintenant. Merde. Toujours lui. On a une logique extraordinaire dans cette émission. Bon, dernière question avant qu'on passe un peu à notre conclusion. 24 centimètres. Est-ce que... Ah pardon. Bravo. Bravo. Du coup, est-ce que Céline et Garou ont un petit truc? Est-ce qu'il y a eu un petit amour entre eux? Je ne suis pas sûre, je ne crois pas, puisqu'elle était avec René. Ouais, enfin, elle est avec René. C'est l'amour de sa vie. Ouais. Pourquoi tu le dis avec René un clin d'œil? Elle est la femme le off. Non, mais je crois René. Pas. Hein. Wink, wink. Merci, Gaspard, d'avoir fait ce geste hyper radiophonique. Ça me fait ça, ouais. D'avoir rien dit, mais avoir fait un clin d'œil très souligné. Je suis en train de lancer un projet de radio avec c'est des. C'est comme mes fringues pour France Inter. C'est quoi, ça. Ça marche pas. Audrey est hyper sapée, souvent. Ça sert à rien, mais. Putain, Audrey, t'es. Enfin, mets quelque chose quand même, couvre-toi, c'est chelou. Enfin. Putain, les auditeurs, ils vont pas kiffer. J'ai tout donné. Ah, t'as tout donné. Et merci à vous d'avoir tout donné, parce que c'était un petit peu notre petite analyse. Et je pense qu'on va passer à la conclusion. C'était notre petite analyse des chansons, un petit best-of, un petit medley qu'on vous a fait de la grande dame Céline, cette dame d'Outre-Québec qui a su enflammer notre cœur d'une passion éternelle pour cette contrée éloignée et froide, mais également très chaude, d'un amour qui coule pour la francophonie. Tiens, là, Audrey a eu le temps de se taper trois rails. Putain, c'est bien. Ouais, là, carrément, je vois l'amour pour la francophonie. Hein. Ouais. Je les vois les montagnes blanches. Ah, oui. Des montagnes blanches. Oui. Non, mais c'était. Alors, on vous fait vous donner une petite dernière goutte d'avis sur Madame Céline. Est-ce que ça vous a plu d'en parler? Qu'est-ce que. Voilà, Manon. Ah, moi, ça a ravivé mes souvenirs d'enfance. Voilà. Ça fait vivre mes fins de soirée et ça me fait penser toujours à quand j'étais petite. C'est cool. Je serai toujours là pour parler de Céline. C'est toujours d'actualité pour toi, Céline, en 2019. Ça se voit pas dans mes yeux, Raphaël? D'accord. C'est d'actualité. She has a gun. Non, si, j'étais très contente de parler. Elle de a un flingue pour les auditeurs. Merci pour nos amis d'Outre-Québec. Elle a un flingue. Oh. Et toi, Audrey? Bah, c'est toujours un plaisir de parler de Céline et de partager cette passion. Attends, un peu, toi aussi, t'as un gun à un peu étrange. Et en fait, enfin, je pense que la conclusion, c'est que elle veut de l'amour. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas. Je pense qu'un peu d'amour dans ce monde de brut, c'est essentiel. Et il faut écouter Céline pour se faire un peu de bien. C'est une chiotte québécoise qui avait envie qu'on l'aime. Et putain, c'est une chouette personne, quoi. Céline. Oh putain. Gaspard, bah, je suis complètement tu d'accord. Tu vas bouchoir, Gaspard. Non, ça ira. Audrey qui fait... Oh, bah, petit joueur, regarde. Grosse trace. Non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve qu'on a besoin de gens comme Céline Dion pour être aussi... plein d'amour pour son public et je l'aime, voilà. Et je tiens à le placer tout de suite parce que je l'ai pas placé. J'ai eu la chance de l'avoir en concert. Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai été invité par un copain. Voilà, on n'a pas tous les mêmes copains. Quand et, désolé. C'était en juin 2016. On l'a vu à l'Accor Hôtel Arena. Oui, je crois que je me souviens que tu m'avais dit que tu y allais. J'étais hyper jalouse et je suis toujours hyper jalouse que tu y sois allée. Du coup, tu as respiré le même air que Céline Dion et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai pas respiré le même air que toi. Ouais. Mais toi, respirer, tu respires bien. T'as les narines bien dégagées, quoi. C'est marrant, ouais, c'est ouais, trop. Le vix. Mais non, mais voilà, moi je la trouve géniale parce que elle en a rien à foutre qu'on se moque d'elle et dans un temps où tout le monde. Parce que we live in a society. Exactement. Et, et non, mais tu vois, où tout le monde fait attention à son image, elle, elle en a rien à branler. Et pour ça, tu gères, Céline. Prenons exemple sur Céline. Ne change rien. Même si, tu vois, elle a raison, on ne change pas, bah, ne change pas. Bah, moi, c'était également un plaisir. Et du coup, j'aimerais continuer. tu vends ton Opel Corsa, exactement. Vas-y, non, mais parce non, que. Non, mais kilomètres au centre. Parce que ce con, il s'approche du micro au moment où je commence à parler. Non, mais moi, c'était, voilà, un plaisir parce que Céline, j'ai découvert, comme je vous disais, un petit peu sur le tard. Et, bah, j'apprécie vraiment, c'est hyper sympa. Et tu le dis, premier degré, mais du premier degré qui fait plaisir. Donc, c'est que du bonheur, c'est hyper sympa, ça fait du bien, Céline. Et maintenant, je vais très rapidement vous demander vos recommandations et je recommence. Manon, une recommandation peut-être pour nos auditeurs que tu aimes? Bah oui, on a déjà mentionné notre chanson préférée avec Audrey. Donc moi, ma recommandation, c'est Je crois de pouvoir écouter le podcast jusqu'à la fin. Parce que c'est comme ça que vous entendrez Prière païenne. Et... Oh. Ah putain, donc ce ne sera pas Ilona Mitressé. J'espère bien que non. Et comme ça, vous comprendrez notre amour pour cette chanson avec Audrey. Audrey moi, je continue sur du Céline. Je vous conseille d'aller voir un article de Vanity Fair qui résume 50 gifs de Céline Dion. Et c'est assez incroyable. Je pense que ça peut vous amener du bonheur pour au moins 24 heures. Il y a un journaliste qui a été payé pour faire ça. Ouais. Putain, la chance. Il a dû kiffer sa journée. Sa semaine. Ça va me prendre la semaine. C'est ça. Okay. Il y en a tellement que. Non, non, mais c'est assez pépite. Patrick hein. Qui est toujours en train de se la péter avec ses reportages de guerre. Moi, je fais les gueules de Céline Dion, ok. Non, mais c'est pépite et on voit beaucoup de choses très intéressantes. Mais allez, pas les reportages de guerre, du coup. Non. Donc, tu nous déconseilles les reportages de guerre. Non, non, c'est aussi Bravo. Très intéressant. Bravo, les enfants en Syrie. Céline Dion en Syrie. Non, mais moi, je suis fly, donc l'amour, toujours. Gaspard bah on a parlé de Céline Dion dans les films, on a parlé de Mommy, on a parlé de Titanic, on a parlé de La Belle et la Bête. Je trouve une des plus grandes utilisations de Céline Dion dans un film, c'est dans un film que tout le monde déteste, mais qui s'appelle Sur la piste du marsupilami de Alain Chabat. Ah tout oui, à merde, fait. Ouais. Avec Lambert Wilson qui chante I'm Alive, qui ouais. est une super chanson. Oui. De Céline Dion. Ouais. Et une scène absolument dingue parce qu'ils font la chanson juste du début à la fin et Lambert Wilson qui chante I'm Alive. Déguisé en Céline ouais, Dion parce qu'il a, ça, la, il a la collection des robes de et en fait il est censé jouer un colonel dans la jungle amazonienne et c'est à hurler de rire. Quel Chabat et toi qui va faire ça. Et toi mon petit Rafi Choupiné? Et bah moi écoutez, en recommandation je vous recommande d'avoir de l'argent pour avoir pour aller au Québec parce que c'est une contrée très magnifique. C'est vraiment superbe, c'est chantant. On sort le thym, le romarin qui. Bon, bah oui. Ah non, le sud, pardon. Ah putain, c'est vachement bien. Irel Québec. Tant bien longtemps. Non, mais voilà, c'est un très beau pays et les gens là-bas sont extrêmement sympathiques. Et on s'est un peu moqué d'eux parce que c'est gentillet. Mais on fait un gros bisou à nos amis d'Outre-Québec qui sont nombreux qu'on à nous écouter pour le coup. On vous fait un gros bisou. C'est comme ça que ça se dit, pas on vous fait un très bisou comme ça. Non, mais gros, que du love pour nos amis canadiens qui sont des gens très sympathiques. La semaine prochaine, nous parlerons, Gaspard. À nouveau, au premier degré, d'une œuvre très sympathique puisqu'on parlera cinéma, on parlera de Pasolini, on parlera de Salaud et des 120 jours de Sodome. Yes. Et le prochain album, ce sera le 22 février. Le 22 février, merci. Et nous parlerons d'une artiste chère à nos cœurs, puisque nous parlerons de la jeune Salaud et des 120 jours de l'album Salaud et 120 jours de Sodome, la soundtrack, quoi. Voilà. Non, on parlera de Laurie. Hey, donc c'était Laurie Grave. C'était, merci. C'était ma meilleure amie. Bravo. Toujours la même, hein. Toujours. Merci, un peu, ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci de partager sur les réseaux, liker, envoyer, partager à tous vos amis. C'est très merci important. À ma tata. Merci à ta tata. Merci à maman de partager. Merci à Audrey. Merci à Manon d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Et big up à René. Ouais, big up à René. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci Gigi. Allez, bisous. Bisous, ciao. Je n'oubliais pas impossible. Se faire un peu. Pourquoi pas. Mais ma prière. Et qu'à moi, j'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas, mais pas le ciel, trop pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Les bois, les vertus roses, n'importe quoi. Je brille l'hiver quand il s'en va. Ni qu'il est si loin, ni la mer, ni le soleil, ni ses éclats. Et je suis sincère, je prie pour tout ça. Ni toi le ciel, tu n'entends pas. Mais toi le ciel, est-ce que t'es là? Moins roi, je brille les yeux.